Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, on est presque aussi bien qu'au bord de la mer. Alors Christophe, tu nommes qui à l'honneur cette semaine ? Cette semaine, eh bien, un grand nom de l'accordéon, André Verschuren. Et oui, André Verschuren avec, pour commencer, Trompette Musette. Allez, maintenant, on va retrouver Arlette pour nous parler de Francis Lemarque. Aujourd'hui, je vais vous parler de Francis Lemarque. C'est un auteur, compositeur, interprète et poète français, né en 1917. Au cours d'une carrière longue et discrète, couronnée par plusieurs grands prix, il a écrit et composé près de 400 chansons, dont celle qui va suivre. C'est une jolie valse qui a pour titre « À Paris ».

mélodies déciment. Paysages de senteurs, arc-en-ciel aux mille couleurs. Pour vous, c'est quelques rimes que notre beau pays vous offre de tout cœur. La mélodie décime sera pour vous un bouquet de fleurs. Pour chanter, en passant, le ciel devient poète. Fait bercer par le vent quelques nuages blancs. Dans les prés se balancent les frêles linaigrettes. Pour charmer les premiers papillons du printemps. Mélodie des cimes, doux refrain de la route nous a composé l'écho. Mélodie des cimes, jolie valse d'amour que nous chantent tous les oiseaux. Mélodie des cimes, paysage de senteurs, arc-en-ciel aux mille couleurs. Pour vous c'est quelques rimes que notre beau pays vous offre de tout cœur. La mélodie des cimes sera pour vous un bouquet de fleurs. En jouant dans le vent aigle dessine, encerclant lentement le dessus des troupeaux. En sautant, les chamois dévalant la colline. En frappant du bout de leurs sabots le pépou. Merci Arlette, à tout à l'heure. Avec ces paroles, voici la version cette fois-ci de Sandrine Lyon. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Oui, tellement. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Caramel, bonbon et chocolat. Merci peu pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Jamais sur mon cœur. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que dit ces mots? Que cosa c'est? Que cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Proprio mai. Adesso ormai si più provare. Chiama anima di tormento. Da Dernière sélection de Christophe pour André Verschuren, voici donc Domino. Thank you. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, voici l'excellent groupe Message. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes et que la nuit rencontre le jour, je suis seul avec mes rêves sur la montagne. Une voix me rappelle toujours l'écho que m'apporte la chanson du vent, me rappelle des souvenirs de toi. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis seul et ne veux penser qu'à toi. L'écho que m'apporte la chanson de toi. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis seul et ne veux penser qu'à toi. Je suis seul et ne veux penser qu'à toi. C'est un accordéoniste qui nous vient du Berry, dont je vais vous parler maintenant, Manu Blanchet. Passionné de musique populaire et traditionnelle, qui a commencé l'animation des bals musettes à l'âge de 16 ans. Et oui, Manu Blanchet aime beaucoup écrire sur sa région, qu'est le Berry, et privilégie les chansons humoristiques. Il nous présente aujourd'hui un morceau spécialement conçu pour s'amuser entre amis, à tous les âges. Ça balance à gauche et à droite, et nous, on aime ça. Manu Blanchet. Allez, va. Ça balance, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça balance, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça balance, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça balance, à gauche, à droite, en haut, en bas. On lève les bras, hey, sus. On tape du pied, c'est pas sorcier. Tape tes mains sur ce refrain et c'est reparti. On attrape les coutumes voisins. On chante ensemble, hein. Ça balance, allez. Ça balance, hey. À gauche, à droite, en haut, en bas. Ça balance, ça balance. À gauche, à droite, en bas, en haut. Ça balance, ça balance, à gauche, à droite, en bas, en haut. Ça balance, à gauche, à droite, en haut, en bas. On lève les bras, ça va toujours sur cette terre-là. On tape du pied, c'est pas sorcier. On tape des mains sur ce refrain et c'est reparti. On attrape les coutumes

possible bonheur. Alors il est temps de se dire au revoir. Au revoir Arlette. Au revoir à toutes et à tous. Et on te donne rendez-vous bien sûr dès la semaine prochaine. Eh bien ce sera avec plaisir Hubert. Alors les amis, au revoir et à la semaine prochaine. Magnifique. Christophe, tu as quelque chose à ajouter ? Eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, même station, même heure. On se quitte avec Franck Michael. Je vous embrasse. L'occasion m'est donnée de vous dire que vous êtes mes plus beaux souvenirs. Il n'est pas de plus belle retrouvaille. 25 ans d'un amour sans égal. Je n'étais qu'un enfant solitaire qui rêvait d'un chemin de lumière. Vous avez une façon bien à vous de me dire ce qui se passe entre nous. Vous me le dites avec des fleurs. Vous me le dites avec des fleurs. J'en prendrai soin, je vous promets, comme si j'étais un jardinier. Vous me le dites avec des fleurs, vous me le dites avec le cœur. Si j'aime si fort la vie, c'est grâce à vous. Merci. Je ne fais que passer en chantant. On ne se connaît guère et pourtant. Et pourtant je suis sûr d'une chose, il y a de l'amour dans chacune de vos roses. Me le dites avec des fleurs, vous me le dites avec des fleurs. J'en prendrai soin, je vous promets, comme si j'étais Sorgia FM. Sorgia FM.